Et maintenant, dit Barbicane, j'appellerai votre attention, mes chers collègues, sur les dimensions qu'il convient de donner au boulet. Car il ne suffit pas d'envoyer un projectile et de ne plus s'en occuper. Il faut que nous le suivions pendant son parcours jusqu'au moment où il atteindra le but. Et quel grossissement espérez-vous obtenir? Un grossissement de 48 000 fois, qui ramènera la Lune à 5 000 seulement. Et pour être visible, les objets n'auront plus besoin d'avoir que 9 pieds de diamètre. Parfait, s'écria Maston. Notre projectile aura donc 9 pieds de diamètre? Précisément. Mais quel métal comptez-vous donc employer pour le projectile? De l'aluminium, répondit Barbicane. De l'aluminium? S'écrièrent les trois collègues du président. Sans doute, mes amis. Ce précieux métal a la blancheur de l'argent, l'inaltérabilité de l'or, la ténacité du fer, la fusibilité du cuivre et la légèreté du verre. Il se travaille facilement, il est extrêmement répandu dans la nature, puisque l'alumine forme la base de la plupart des roches. Il est 3 fois plus léger que le fer et il semble avoir été créé tout exprès pour nous fournir la matière de notre projectile. Que pèsera donc le projectile? Demanda Morgan. En fond d'aluminium, son poids sera réduit à 19 250 livres. Parfait, s'écria Maston. Voilà qui rentre dans notre programme. Parfait, parfait, répliqua le major. Mais ne savez-vous pas qu'à 18 $ la livre, ce projectile coûtera 173 250 dollars. Je le sais parfaitement. Mais ne craignez rien, mes amis. L'argent ne nous fera pas défaut notre entreprise. Je vous en réponds. Il pleuvra dans nos caisses, répliqua Maston. Eh bien, que pensez-vous de l'aluminium? Demanda le président. Adopté, répondirent les 3 membres du comité. Quant à la forme du boulet, reprit Barbicane, elle importe peu puisque, l'atmosphère une fois dépassée, le projectile se trouvera dans le vide. Je propose donc le boulet rond qui tournera sur lui-même si cela lui plaît et se comportera à sa fantaisie. Ainsi se termina la première séance du comité. La question du projectile était définitivement résolue et Maston se réjouit fort de la pensée d'envoyer un boulet d'aluminium au Sélénite, ce qui leur donnerait une crâne idée des habitants de la Terre.